Des fois on se quitte pour mieux se retrouver, puis des fois on se quitte pour ne jamais se retourner. On s'aime, on est quitte, on n'a plus rien à se dire. Mais comment t'expliques qu'on n'arrête pas de s'écrire? Ce soir je te manque, les souvenirs sont là, mais demain tu me mens, disant que t'as tourné la page. Mais au fond je t'en veux pas, on est un peu pareil, on préfère être au plus bas. Par fierté on la ferme. Oui t'es mon ex aujourd'hui, je ne t'aime plus. Mais la personne que t'étais, moi j'y pense encore. On a changé dans le temps, on s'est perdu. On y repense chaque soir quand on s'endort. Au fond on est si bête, on se cherche, se provoque. On souhaite du bonheur, on dit que c'est réciproque. La vérité on la connaît, on galère dans notre coin. On repense au passé qui nous en est si loin. Je sais qu'on s'aime, je sais que tu manques. Tu sais que je suis fier, je dévoile pas mes sentiments. Tu me détestes et t'as sûrement raison. Au fond je veux que tu reviennes, j'attends ton pardon. Et dans les hauts comme dans les bas, je serai là pour toi. Je t'ouvrirai mes bras. J'aimerais que tu me détestes, je voudrais que tu m'en veuilles. Mon cœur veut que tu restes, ma tête veut faire le deuil. C'est toujours la même, on se demande ce que fait l'autre. On voit pas les efforts, on reconnaît que les fautes. La question qui revient, qui fera le premier pas? N'y a-t-il plus d'espoir? Veux-tu un nouveau départ? Pourquoi tu parles à d'autres? Mais y'a rien, je m'en fous. Non franchement, moi je veux juste te rendre jalouse. Je suis ton mec ou ton ex, ton pote ou ton ennemi. Une réussite ou un échec, en tout cas je fais partie de ta vie. Qu'est-ce qu'on attend? On arrête ou recommence? C'est devenu impossible de savoir ce que tu penses. J'arrive à bout de souffle, on s'aime, on se critique. Ce petit jeu m'épuise, au fond on se détruit. Arrête de m'écrire, je veux plus entendre parler de toi. Ne reviens plus jamais, en fait non, ne pars. Je sais qu'on s'aime, je sais que tu manques. Tu sais que je suis fier, je dévoile pas mes sentiments. Tu me détestes et t'as sûrement raison. Au fond je veux que tu reviennes, j'attends ton pardon. Et dans les hauts comme dans les bas, je serai là pour toi, je t'ouvrirai mes bras. Je sais qu'on s'aime, je sais que tu manques. Tu sais que je suis fier, je dévoile pas mes sentiments. Tu me détestes et t'as sûrement raison. Au fond je veux que tu reviennes, j'attends ton pardon. Et dans les hauts comme dans les bas, je serai là pour toi, je t'ouvrirai mes bras.